Or, si l'on admet que l'absurde est le contraire de l'espoir, on voit que la pensée existentielle pour Chestov présuppose l'absurde, mais ne le démontre que pour le dissiper. Cette subtilité de pensée est un tour pathétique de jongleur. Quand Chestov, d'autre part, oppose son absurde à la morale courante et à la raison, il l'appelle vérité et rédemption. Il y a donc, à la base, dans cette définition de l'absurde, une approbation que Chestov lui apporte. Si l'on reconnaît que tout le pouvoir de cette notion réside dans la façon dont il heurte nos espérances élémentaires, si l'on sent que l'absurde exige pour demeurer qu'on n'y consente point, on voit bien alors qu'il a perdu son vrai visage, son caractère humain et relatif, pour entrer dans une éternité à la fois incompréhensible et satisfaisante. Si absurde il y a, c'est dans l'univers de l'homme. Dès l'instant où sa notion se transforme en tremplin d'éternité, elle n'est plus liée à la lucidité humaine. L'absurde n'est plus cette évidence que l'homme constate sans y consentir. La lutte est éludée, l'homme intègre l'absurde et dans cette communion fait disparaître son caractère essentiel qui est opposition, déchirement et divorce. Ce saut est une dérobade. Chestov, qui cite si volontiers le mot d'Hamlet « The time is out of joint », l'écrit ainsi avec une sorte d'espoir farouche qu'il est permis de lui attribuer tout particulièrement. Car ce n'est pas ainsi qu'Hamlet le prononce ou que Shakespeare l'écrit. La griserie de l'irrationnel et la vocation de l'extase détournent de l'absurde un esprit clairvoyant. Pour Chestov, la raison est vaine, mais il y a quelque chose au-delà de la raison. Pour un esprit absurde, la raison est vaine et il n'y a rien au-delà de la raison. Ce saut, du moins, peut nous éclairer un peu plus sur la nature véritable de l'absurde. Nous savons qu'il ne vaut que dans un équilibre, qu'il est avant tout dans la comparaison et non point dans les termes de cette comparaison. Mais Chestov, justement, fait porter tout le poids sur l'un des termes et détruit l'équilibre. Notre appétit de comprendre, notre nostalgie d'absolu, ne sont explicables que dans la mesure où, justement, nous pouvons comprendre et expliquer beaucoup de choses. Il est vain de nier absolument la raison, elle a son ordre dans lequel elle est efficace. C'est justement celui de l'expérience humaine. C'est pourquoi nous voulons tout rendre clair. Si nous ne le pouvons pas, si l'absurde naît à cette occasion, c'est justement à la rencontre de cette raison efficace mais limitée et de l'irrationnel toujours renaissant. Or, quand Chestov s'irrite contre une proposition hegelienne de ce genre, les mouvements du système solaire s'effectuent conformément à des lois immuables et ces lois sont sa raison, lorsqu'il met toute sa passion à disloquer le rationalisme spinozien, il conclut justement à la vanité de toute raison, d'où par un retour naturel et illégitime à la prééminence de l'irrationnel. Mais le passage n'est pas évident, car ici peuvent intervenir la notion de limite et celle de plan. Les lois de la nature peuvent être valables jusqu'à une certaine limite, passée laquelle elles se retournent contre elles-mêmes pour faire naître l'absurde. Ou encore, elles peuvent se légitimer sur le plan de la description, sans pour cela être vraies sur celui de l'explication. Tout est sacrifié ici à l'irrationnel, et l'exigence de clarté étant escamotée, l'absurde disparaît avec un des termes de sa comparaison. L'homme absurde, au contraire, ne procède pas à ce nivellement, il reconnaît la lutte, ne méprise pas absolument la raison, et admet l'irrationnel. Il recouvre ainsi du regard toutes les données de l'expérience, et il est peu disposé à sauter avant de savoir. Il sait seulement que dans cette conscience attentive, il n'y a plus de place pour l'espoir. Ce qui est sensible chez Léon Chestov le sera plus encore peut-être chez Kierkegaard. Certes, il est difficile de cerner chez un auteur aussi fuyant des propositions claires, mais malgré des écrits apparemment opposés, par-dessus les pseudonymes, les jeux et les sourires, on sent tout au long de cette œuvre apparaître comme le pressentiment, en même temps que l'appréhension, d'une vérité qui finit par éclater dans les derniers ouvrages. Kierkegaard, lui aussi, fait le saut. Le christianisme, dont son enfance s'effrayait tant, il revient finalement vers son visage le plus dur. Pour lui aussi, l'antinomie et le paradoxe deviennent critères du religieux. Ainsi, cela même qui faisait désespérer du sens et de la profondeur de cette vie, lui donne maintenant sa vérité et sa clarté. Le christianisme, c'est le scandale. Et ce que Kierkegaard demande tout uniment, c'est le troisième sacrifice exigé par Ignace de Loyola, celui dont Dieu se réjouit le plus, le sacrifice de l'intellect. Cet effet du sceau est bizarre, mais ne doit plus nous surprendre. Il fait de l'absurde le critère de l'autre monde, alors qu'il est seulement un résidu de l'expérience de ce monde. Dans son échec, dit Kierkegaard, le croyant trouve son triomphe.